le forçat de Mademoiselle Fischer, obligé néanmoins de rentrer au logis, eut l'idée de cacher la joie de l'amoureux sous la joie de l'artiste, heureux de son premier succès. « Victoire ! Mon groupe est vendu au duc d'Hérouville, qui va me donner des travaux !» dit-il en jetant les 1200 francs en or sur la table de la vieille fille. Il avait, comme on le pense bien, serré la bourse d'Hortense. Il la tenait sur son cœur. « Eh bien, répondit Lisbeth, c'est heureux, car je m'exterminais à travailler. Vous voyez, mon enfant, que l'argent vient bien lentement dans le métier que vous avez pris, car voici le premier que vous recevez, et voilà bientôt 5 ans que vous piochez. Cette somme suffit à peine à rembourser ce que vous m'avez coûté depuis la lettre de change qui me tient lieu de mes économies. Mais soyez tranquille, ajouta-t-elle après avoir compté. Cet argent sera tout employé pour vous. Nous avons là de la sécurité pour 1 an. En 1 an, vous pouvez maintenant vous acquitter et avoir une bonne somme à vous, si vous allez toujours de ce train-là. » En voyant le succès de sa ruse, Venceslas fit des comptes à la vieille fille sur le duc d'Hérouville. « Je veux vous faire habiller tout en noir, à la mode, et renouveler votre linge, car vous devez vous présenter bien mis chez vos protecteurs, » répondit Bette. « Et puis, il vous faudra maintenant un appartement plus grand et plus convenable que votre horrible mansarde, et le bien meublé. Comme vous voilà gai, vous n'êtes plus le même, » ajouta-t-elle en examinant Venceslas. « Mais on a dit que mon groupe était un chef-d'œuvre. « Eh bien, tant mieux, faites-en d'autres !» répliqua cette sèche fille, toute positive et incapable de comprendre la joie du triomphe ou la beauté dans les arts. « Ne vous occupez plus de ce qui est vendu, fabriquez quelque autre chose à vendre. Vous avez dépensé 200 francs d'argent, sans compter votre travail et votre temps, à ce diable de Samson. Votre pendule vous coûtera plus de 2000 francs à faire exécuter. « Tenez, si vous m'en croyez, vous devriez acheter ces 2 petits garçons couronnant la petite fille avec des bluets. Ça séduira les Parisiens. Moi, je vais aller chez Monsieur Graff, le tailleur, avant d'aller chez Monsieur Crevel. Remontez chez vous et laissez-moi m'habiller. »